Chapitre 14. Le lendemain, de bon matin, Angèle fut réveillée par un bruit d'eau dans la salle à manger. C'était un bain d'amidon qu'on lui préparait d'après les ordres de sa mère. « Ah, dame !» s'écria celle-ci en entrant dans la chambre à coucher. « Il faut commencer à te soigner, ma mignonne, pour paraître dans tout ton lustre le jour de ta première représentation. C'est que tu as tout pour toi, vois-tu » continuait-elle en s'extasiant devant la blanche beauté de sa fille, qui se laissait glisser dans la baignoire. « Tout, éclat, fraîcheur, jeunesse et un magnifique talent. » Madame Sénéchal ne doutait pas du succès de l'audition et bâtissait de nouveaux châteaux en Espagne. Elle trouvait le logement de la rue Monsieur-le-Prince trop étroit et indigne de la future célébrité de sa fille. Elle fit tant qu'elle parvint à le sous-louer, et du même coup, elle arrêta un appartement dans une maison neuve de la rue de Rennes, qui la charma à cause de l'air somptueux de la loge du concierge et du tapis qui couvrait l'escalier. Elle courut ensuite chez la couturière et commanda pour sa fille une robe de soie noire garnie de jais qui devait faire ressortir la blancheur de la peau satinée d'Angèle. Pour la payer, on vendit la massive armoire de chêne sculptée dont un marchand de bric-à-brac offrait un bon prix. « Ne t'inquiète de rien, » répondit la grosse dame aux remontrances d'Angèle. « Avant peu, nous remplacerons ce vieux bahut. Nous aurons de quoi nous payer du bois de rose et du palissandre. » Enfin, le grand jour de l'audition arriva. La jeune œuvraie qu'on avait prévenue et qui devait accompagner la jeune fille à l'Odéon se présenta à l'heure dite dans toute la splendeur d'une de ses toilettes raffinées. Il trouva Angèle revêtue de sa belle robe neuve et repassant les rôles qu'elle avait choisis, tandis que la mère Sénéchal donnait amoureusement de petits coups de pouce à l'étau de la jupe pour y dessiner de beaux plis. Le temps était sec, et on fit le trajet à pied en compagnie de René et de Joseph. La jeune œuvraie, tout fière d'avoir au bras une aussi jolie personne, se cambrait dans sa redingote à revers de velours. Angèle, très émue et très pâle, pouvait à peine parler. Le journaliste sentit le bras de la jeune fille trembler contre le sien. « Allons donc, ma belle, » lui dit-il, « quand on a un organe comme le vôtre, quand on est jolie fille et qu'on arrive au bras de Gaspard la jeune œuvraie, on ne doit pas trembler comme une pensionnaire. » À l'entrée de l'escalier de l'administration, René et Joseph serrèrent vivement la main de Mademoiselle Sénéchal et la quittèrent en lui criant « Bon courage !» Puis la jeune œuvraie l'introduisit dans le cabinet directorial. Angèle s'imaginait que son audition aurait lieu dans ce cabinet ou au foyer, mais on la fit descendre sur la scène, qui lui paraît presque sinistre avec ses vieux décors défraîchis, son plancher raboteux et ses recoins sombres. À l'extrémité d'une tringle descendant des frises, de becs de gaz tremblotaient au-dessus de la tête de la jeune fille et promenaient sur cet ensemble maussade une pauvre lumière vacillante. Angèle, s'approchant de la rampe, distingua au-dessous d'elle les premiers fauteuils de l'orchestre, où s'étaient assis la jeune œuvraie et le directeur. Derrière eux, la vaste salle arrondissait sa profondeur vague. Au bord des loges béantes pendaient de longues toiles destinées à protéger les velours et les dorures. Sur les sièges de l'orchestre et du parterre, les mêmes mousses verdâtres s'étendaient comme des linceuls. C'était lugubre et glacial. Dans cette quasi-obscurité, adieu l'effet de cette luxueuse toilette noire sur laquelle Madame Sénéchal avait compté pour achever de séduire la direction. Seul le pompier de service qui bâillait contre un portant aurait pu en apprécier la coupe élégante. Mais il restait impassible et astiquait imperturbablement la boucle de son ceinturon avec le revers de sa manche. Sur un signal amical de la jeune œuvraie, Angèle rassembla tout son courage et commença la grande plainte de Phèdre à la fin du quatrième acte. Ah, douleur non encore éprouvée! À quel nouveau tourment je me suis réservé! C'était un des rôles les mieux étudiés, un de ceux qu'on applaudissait le plus frénétiquement à la salle Corneille. Elle dit le premier couplet avec assez de passion. Sa voix vibrait juste et elle trouva des accents fort touchants pour rendre ses deux vers. Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Elle entendait la jeune œuvraie murmurer en sourdine « Superbe, hein ? Quelle voix pénétrante, quel geste, quelle poésie !» Le directeur, vieux comédien aux moustaches teintes, aux yeux clignotants et à l'air paterne, se contentait de secouer la tête et éteignait l'enthousiasme de Gaspard sous des « chut » prudents. Angèle termina sa tirade au milieu de ce silence peu encourageant. L'un des régisseurs la pria de passer au répertoire moderne. Elle avait choisi le fragment de scène où Marion Delorme se traîne aux genoux de Louis XIII et demande la grâce de Didier. Bien qu'elle le débita avec toute l'énergie dont elle était capable, elle sentit que son auditoire n'était pas empoigné. Sa voix, assez puissante dans un salon, semblait grêle dans cette vaste salle. Les vers qu'elle lançait ne passaient pas la rampe. Sa physionomie délicate n'avait pas ces grands traits largement accentués qui donnent à l'actrice un masque tragique. Son geste nerveux et saccadé manquait d'ampleur. La Genevraie, redevenue muet comme un poisson, ne se sentait plus en humeur d'applaudir. « C'est un four », se disait-il intérieurement, tandis que les derniers vers de la tirade allaient se perdre dans le vide de la salle. Le directeur était remonté sur la scène et adressait pour la forme quelques compliments à Angèle. À leur tour, les régisseurs lui prodiguèrent cette menue monnaie de l'éloge banal qui ne tire pas en conséquence. Mais de promesses sérieuses, point. « Eh bien, mon cher, que décidez-vous ? » demanda la Genevraie au directeur. « J'écrirai à mademoiselle. J'ai besoin de réfléchir et de causer avec ces messieurs. Mais d'ici à 8 jours, je vous promets une réponse. » Là-dessus, on se quitta fort courtoisement. « Corbleu, mamie ! » s'écria la Genevraie quand il fut sous les galeries de l'Odéon. « Ne prenez pas cette figure d'enterrement. Ça marche, l'affaire est lancée. » Il voyait l'air attristé d'Angèle et croyait devoir la remonter, préférant dépenser sa verve en formule laudative plutôt que d'avoir à subir une scène de larmes. « Croyez-vous ? » dit la jeune fille d'une voix mal assurée. « Ces messieurs m'ont paru si froids. Ils sont toujours de même. C'est un calcul. Ils craindraient, en montrant leur enthousiasme, de vous rendre trop exigeante sur le chapitre des appointements. Vous ne connaissez pas encore ces gens-là. Ce sont des ladres verts. » « Ainsi vous pensez que je n'ai pas été trop mauvaise ?» reprit Angèle. « Vous avez été superbe, et vous enfoncerez toutes les petites grues de leur théâtre. » Il parla si bien qu'il lui rendit confiance. Hélas, elle avait tant besoin d'espérer, qu'elle ne fut pas difficile à convaincre. Quand on arriva rue Monsieur le Prince, on trouva la mère Sénéchal qui attendait dans la loge du concierge. « Eh bien » s'écria-t-elle avec pétulance. « De combien est l'engagement ? Rien n'est encore décidé. » répondit Angèle en souriant. « Mais monsieur la Genevraie assure que les choses sont en bonne voie. »« Oui, oui, » répéta ce dernier, « l'affaire est dans le sac. Ces messieurs sont enchantés et nous aurons une réponse avant 8 jours. » Madame Sénéchal n'en demandait pas davantage. Elle était persuadée du succès de sa fille, et pour elle la réponse ne pouvait être qu'affirmative. « Ils seront bien trop heureux de t'avoir, » dit-elle en époussetant la belle robe noire. René et Joseph étaient accourus. La Genevraie leur raconta avec force embellissement tous les incidents de l'audition. Joseph fut de nouveau embrassé. Angèle serra tendrement la main de René. Puis on dîna gaiement dans la petite salle à manger, on trinqua au succès de la débutante, et la Genevraie les emmena tous au spectacle. Dès le lendemain, sans perdre une minute, Madame Sénéchal, avec l'aide de Joseph, s'occupa de son emménagement rue de Rennes. Tout en tracassant, elle bouillait d'impatience, et à toute heure, descendait chez le concierge pour voir si le facteur n'avait rien apporté. L'anxiété d'Angèle était au moins égale à celle de sa mère. À mesure que les journées s'écoulaient, sa confiance diminuait. Elle avait la fièvre, perdait l'appétit et souffrait de nouveau de cette surexcitation nerveuse qui avait précédé son départ de Baie. Ses accès de somnambulisme la reprenaient, et une nuit, sa mère la trouva marchant tout endormie à travers la salle à manger. Elle était à demi vêtue et murmurait des paroles incohérentes. « Je veux sortir, » disait-elle, « on m'attend au théâtre. » « Pauvre mignonne, » pensait la mère Sénéchal, « l'amour de son métier la tient jusque dans son sommeil. » Alors, avec de tendres précautions, elle la reconduisit à son lit et la contraignait doucement à s'y recoucher toute frissonnante. Quand la plupart des meubles furent transportés rue de Rennes, Madame Sénéchal constata que le modeste mobilier qui décorait encore assez convenablement le petit logement de la rue Monsieur le Prince paraissait misérable dans cette maison neuve. Les rideaux de calicot blanc, les chaises de noyer, les fauteuils dont le crin perçait l'étoffe éraillée, juraient piteusement à côté des peintures fraîches et des moulures dorées. Les concierges, dont la loge ressemblait à un salon, jetèrent un regard de dédain sur ces meubles fanés que les déménageurs transportaient au 5e. La vieille dame en fut profondément humiliée, et une nouvelle lubie lui traversa le cerveau. Il dépendait encore de la succession de son mari de Haute-Trois-Vignes, valant environ 1500 francs. Elle résolut de battre monnaie avec ses derniers lopins de terre. Pour mettre rapidement ce projet à exécution, il fallait retourner à Baie, et il lui en coûtait de s'absenter avant la réception de la lettre de l'Odéon. Mais elle fit promettre à Joseph de lui envoyer un télégramme dès qu'on serait fixé sur le taux de l'engagement. Elle songeait, non sans un certain orgueil, à l'effet que produirait aux yeux de ses anciennes voisines l'arrivée d'une dépêche télégraphique proclamant la bonne fortune de sa fille. Un matin donc, après avoir installé Angèle rue de Rennes, elle l'embrassa tendrement, promit d'être de retour dans une huitaine et partit par le train de midi. Restée seule, la jeune fille s'occupa d'arranger son nouveau nid. Elle ouvrit la fenêtre de sa chambre qui donnait sur des jardins. Un tiède soleil de mars y pénétra et jeta sur les meubles clairsemés une joyeuse gerbe lumineuse. Elle était occupée à accrocher des rideaux à la croisée quand on sonna. C'était René. Il entra gaiement, tenant un gros bouquet de violettes qui embaumait. « J'ai voulu être le premier à décorer votre chambre, » dit-il en lui offrant son bouquet. « Merci, » répondit-elle en prenant les fleurs et les mains du poète tout ensemble. Elle posa le bouquet dans un vase et plongea sa jolie figure dans les violettes qu'elle respira longuement. « Quelle bonne odeur !» s'écria-t-elle. « Cela sent le printemps !» Puis, retournant à ses rideaux, elle demanda la permission d'achever sa besogne. Elle s'était élancée sur une chaise et avait passé une tringle dans l'ourlet de la mousseline. Ses bras levés laissaient voir dans toute sa beauté le modelé moelleux et pur de son buste. En même temps, le bord de sa jupe découvrait par moments ses petits pieds qui se haussaient sur leurs pointes. Sa tête, rejetée en arrière, était baignée par un rayon de soleil qui mettait dans ses cheveux comme une auréole d'or. Jamais René ne l'avait vue si séduisante. L'air du dehors agitait légèrement les bouts flottants de son ruban de cou. Ses yeux cernés, son teint pâli par les émotions de la semaine, s'harmonisaient avec le négligé de sa toilette. Les armoises l'admiraient et oubliaient de parler. « Voilà qui est fait !» dit-elle en sautant sur le parquet. Elle prit une chaise basse et s'assit près du fauteuil du poète. « Maintenant je suis toute à la conversation. Avez-vous pensé un peu à moi depuis que nous nous sommes vus ?» Elle le regardait de bas en haut en souriant de ce sourire original qui retroussait un des coins de sa bouche et donnait à sa physionomie une expression si piquante. « Beaucoup, » répliqua René. « Vous sachant inquiète, je suis passé hier à l'Odéon et j'ai laissé votre nouvelle adresse en insistant pour avoir une prompte réponse. « Ah, cette réponse !» soupira Angèle. « Si vous saviez avec quelle agitation je l'attends, si je l'essuie un refus. » « Le théâtre vous tient donc bien au cœur, un peu. » Mais il y a une chose à laquelle je tiens surtout, votre amour, et après un échec aussi humiliant, il me semble que vous m'aimeriez moins. C'est injurieux ce que vous me dites là. En même temps, un éclair d'orgueil brillait dans ses yeux noirs. Ce que j'aime en vous, ce n'est pas l'artiste, c'est Angèle, sachez-le bien. Vous m'aimeriez toujours, même si j'étais pauvre et en haillons. Enfant, s'écria-t-il avec un accent de protestation. Mais son sourire avait disparu. Et un léger nuage passa sur ses traits. À cet artiste épris de luxe, amoureux de belles choses, la pauvreté ne présentait qu'une image grimaçante. L'idée de la misère détonnait comme une fausse note dans la musique de l'amour. « À quoi songez-vous là ? » reprit-il brusquement. « La femme que j'aime n'aura, du merci, rien à craindre de la misère, et jamais, moi, vivant, des haillons ne dépareront sa beauté. » Ils redevinrent un moment silencieux tandis que, par la fenêtre ouverte, on entendait le sifflement allègre des merles épars dans les jardins du voisinage. Angèle demeurait songeuse. Ses longs cils baissés donnaient à sa figure une suave expression de chasteté mélancolique et de passion contenue. René contemplait avec admiration cette jeune fille si innocente à la fois et si tendre, et se sentait sourdement troublé. Jusque-là, le frais parfum de la fleur d'amour encore en bouton avait suffi à son imagination et à ses désirs. Mais après cette printanière après-midi, au fond de cette chambrette ensoleillée, la jeunesse tout à coup se mit à parler en maîtresse dans ce cœur de poète, où la fougue passionnée tenait plus de place que la tendresse. Il saisit les mains d'Angèle, l'attira près de lui et posa ses lèvres impatientes sur les yeux de la jeune fille. Elle fut d'abord étourdie par cette caresse, mais au moment où René, enhardi, allait la serrer dans ses bras, elle se dégagea rapidement. « Non, pas ainsi, dit-elle en se reculant, tandis que son cou, ses joues et son front se couvraient d'une subite rougeur. Elle le regardait d'un air à la fois si chaste, si aimant et si attristé, que des armoises en fut touchée. Et bien que le désir gronda en lui, il s'arrêta, retenu par un sentiment d'intime délicatesse. « Il se fait tard, » ajouta Angèle, en allant regarder l'horloge de la salle à manger, afin de cacher son trouble. « Il faut nous quitter. Mais je vous verrai demain, n'est-ce pas ?»« Demain ?»« Non, » répondit René un peu mécontent d'avoir obéi si vite. « J'ai promis cette journée à ma mère, qui se plaint de mes absences et prétend que je la délaisse. Eh bien, après-demain, de bonne heure ?» Elle lui tendit les mains, et avec une grâce charmante. « Aimez-moi bien, dit-elle. Allez, j'en vaux la peine. »